salam, je vous souhaite le bonsoir, mon noble ami. Approchez, approchez, venez plus près. Faites-vous quelque chose de sale. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? J'y ai vraiment trop cru. Voici venue l'heure du Memento. Good morning, Vietnam! Bonjour, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode du Memento. Aujourd'hui, eh bien, on a rassemblé la crème de la crème des stars du Memento pour élaborer la bande originale de ce tout début de potentiel déconfinement. C'est le moment de rêver à notre toute première soirée entre potes et puis aussi au jour où on pourra se retrouver à nouveau dans un festival entouré de dizaines de milliers de personnes. Les premiers rêveurs que vous allez entendre sont Tim, Nicolas, Asma et Kevin. Le Memento All-Star spécial No Summer Heat, c'est tout de suite sur Radio Panique. Service à prendre, bonjour. Dis donc, tu viens plus aux soirées là? Ah non, je peux pas, j'ai plus de caisse. Mais c'est dommage, on a fait une soirée crise financière. Ah, on a vidé toutes les bourses. Ça dégouline encore. Laisse tomber. On s'apprête à vivre un été qui va être un peu particulier, mais qui, je pense, va être assez bénéfique en fait pour chacun d'entre nous, puisque je pense que ça va être un été qui sera un été de communion et de retrouvailles en fait, dans le sens où potentiellement il n'y aura pas ce moment où machin est en festival, machin est en vacances, machin est parti en week-end avec sa meuf. Donc on va vivre un été qui va être rempli de barbecue, rempli de... Et pour info, il y a le terrain de ma grand-mère dans les Ardennes qui est dispo, ça vous dit, on fait une petite teuf, on sera une petite quinzaine, une petite vingtaine. Et c'est un petit peu ce dont j'ai envie, en fait, après ce confinement, c'est de retrouver tous les gens qui nous ont manqué. Et j'avoue que je pense que les rendez-vous entre amis m'ont finalement peut-être plus manqué que ces moments de concert, ces moments de clubbing. Et c'est des gens que j'ai envie de retrouver. On se rend compte qu'on les aime quand on les voit pas trop. Et du coup, j'ai choisi un morceau des Cure, remixé par The Penelopes. Et j'imagine bien justement cette petite soirée qui en fait se termine à 6h du matin quand il commence à faire jour. On est toujours tous là. On a échangé plein de conversations avec plein de gens, parlé de plein de sujets très perso, dansé sur un peu tout et n'importe quoi. Et c'est un morceau que je trouve vraiment magnifique, que j'imagine bien avec le lever du soleil, à boire une bière de trop qu'on décapsule directement à même le bac, rallumer une cigarette alors qu'on a déjà éclaté un paquet et demi. Mais voilà, c'est un morceau que je trouve hyper dansant, hyper positif. Donc je vous propose ce morceau magnifique des Cure, remixé par The Penelopes. Et c'est un morceau qui s'appelle « Just Like Heaven ». Et je pense qu'il porte très bien son nom, parce qu'à mon avis, ce sera des petits moments de paradis qu'on vivra tous ensemble cet été en petit comité. Et je vous souhaite de l'apprécier. concernant le morceau qui serait un petit peu le morceau idyllique pour moi concernant les festivals qu'on va manquer cet été, j'ai choisi un morceau de Marilyn Manson qui s'appelle The Fight Song, qui représente un peu pour moi ce que j'aurais adoré voir cet été, c'est-à-dire, je ne sais pas, 50 000 personnes en train de remuer sur le même riff de guitare, en train de scander le même refrain qui dit « fight, fight ». Et je pense que c'est vraiment ce qui va nous manquer cet été, des trucs comme le Hellfest ou ce genre de choses où tout le monde serait en train de se rentrer dedans, où on vivrait vraiment un énorme moment de communion plutôt. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce morceau qui envoie assez sévèrement et en même temps qui n'est pas du tout un morceau de métal comme on pourrait imaginer avec Marilyn Manson, qui en fait est un artiste relativement cool, je trouve, à mes yeux. Donc voilà, moi je vous propose The Fight Song, qui est pour moi vraiment un truc où j'aurais adoré être dans la foule à scander comme un dingue et à tous se secouer, à tous se remuer. Donc voilà, j'espère qu'on finira tous plein de bières l'année prochaine au son de grosses guitares avec des morceaux un peu comme ça. They're begging us. Please have a party. Feed us drinks. Get us laid. Ow! Laurence Roux-Fouillet, je suis sophrologue et relaxologue et je vais vous montrer comment on peut utiliser un seul mot pour se calmer. Bombasse, B-O-M-B-A-S-S-E. C'est quoi bombasse? Qu'est-ce que c'est qu'une bombasse? C'est vous, Suzanne. Pour ce premier morceau, j'ai choisi le morceau Toast de Kofi. Kofi, c'est une super jeune artiste jamaïcaine. Elle a, je crois, 18 ans. Mais elle travaille déjà avec des gars de Major Lazer et tout. Et son style est hyper sympa. C'est un espèce de mélange entre du reggae et du rap. Et parfait pour danser. Danser, c'est quelque chose qui me manque énormément en ce moment. Du coup, j'ai choisi ce morceau parce que je fais partie de cette tranche de la population qui a eu la chance de fêter son anniversaire en confinement au mois d'avril. Et du coup, de le fêter avec un comité assez restreint de personnes, mais néanmoins très qualitatif, je dois dire. Mais mon rêve, à la fin de la sortie de ce confinement, c'est justement de pouvoir profiter de ce morceau, encore une fois, à l'occasion de mon anniversaire, le fêter comme il se doit avec tous mes amis. Et parce que je suis super bien entourée et j'ai la chance d'avoir un cercle en or et que chaque année, cet anniversaire, ce fameux anniversaire, est de mieux en mieux en fait. Et donc voilà, pour cette dernière année avant la trentaine, je voulais lever un toast à tous mes amis. Et j'ai hâte, hyper hâte de les retrouver quand tout sera fini ou du moins en train d'être clôturé. Force, yeah. Blessings we are reap and we course in handful. Oh, we na rise and boast. Yeah, we give thanks like we need it the most. We have to give thanks like we really supposed to be thankful. Blessings all for me life and my thank God for the journey, the earnings are just for the plus. Yeah, and gratitude is a must. Yeah, we see blessings fall by my right hand. Bust a toast for the friends we take off. Third form, me say, make me try a thing. And you know it formed up to be a fire thing. Now up on stage with chronic, say I sing. Yeah, see me all diggy soon, get the higher ring. Like, hello, bro, time, say, I had to shout ya. Saw your poster, spectacular photo. Keep it burning, yes, that's the motto. If me the butter, pass through your soul. To gamble in a life, man. Me have to thank God for the journey. The earnings are just for the plus. Yeah, and gratitude is a must. Yeah, me see blessings fall. So I'm here to give him the glory, I'm me delighted. Jano say my passion ignited. Got the music, me excited. I'm coming like a potion. Mm-hmm. Blessings all for my life and my thank God for the journey, the earnings are just for the plus. Yeah, and gratitude is a must. Yeah, me see blessings fall by my right hand. Bust a toast for the friends, we take off every load. One time did sit down in a class and we bought then all he said. Docteur Maury, vous êtes l'auteur d'un ouvrage remarquable et peut-être même capital. Je vous remercie. En ce qui concerne la médecine, puisqu'il s'intitule « Soignez-vous par le vin ». Oui. Cet ouvrage est le fruit de 45 ans de réflexion... Et d'expérience, surtout. Clinique, auprès de mes malades. Alors, pour ce deuxième morceau, on va totalement changer de style, puisqu'on on va se transporter dans un énorme festival avec 100 000 personnes autour de nous. Un peu... un rêve auquel on ne croit plus trop en ce moment, ça paraît un peu lointain. Et je suis retombée sur ce morceau qui est un mix original de Joy Hauser, je sais pas comment ça se dit, qui s'appelle Galaxy Phase, et qui envoie vraiment du gros lourd, du gros son. Et je m'imaginais très très bien en festival, en fin de journée, voire la nuit, avec toutes les lights et tout, et limite partir en transe sur ce morceau. Qui est vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment très prenant, je trouve. Il suffit de le mettre dans ses oreilles avec un casque pour s'imaginer un peu l'ambiance que ça pourrait être. Et je pense que ça ferait du putain de bien à tout le monde. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. C'est Galaxy Phase de Joy Hauser. J'avoue que si là, maintenant, tout de suite, je devais me relancer dans le game de la teuf, je ne partirais pas forcément sur un truc à 10 personnes. Le temps de la réadaptation sociale, quoi. En un mois et demi, voire un petit peu plus, les interactions sociales se sont fait rares. Mon meilleur ami s'appelle d'ailleurs Dominique, c'est le boucher, slash vendeur de produits du coin. Un sacré farceur, ce Dominique. Qui c'est, celui-là ? Je suis désolé, j'ai trouvé que lui. Mais qu'est-ce que vous comptez faire avec ça, à la fête du printemps ? Mais faire cramer. Quoi ? Mais vous plaisantez! Vous me dites, il faut quelque chose de festif. Mais quel rapport avec le printemps? J'en sais rien, moi! C'est en plein air, je sais pas. Ah, le printemps. La nature se réveille, les oiseaux reviennent, on crame des mecs. Merci, seigneur Léodagan, mais on va trouver autre chose. Bon, bah, démerdez-vous, hein. Moi, j'ai autre chose à foutre qu'à promener ce con-là toute la journée. Du coup, lorsqu'on pourra tous se revoir, bah, il faudra y aller mollo, les gars. Si on en fait trop, que le retour à la vie sociale est trop abrupt, ce sera l'indigestion assurée, comme quand tu forces un petit peu trop sur l'apéro le jour de la soirée raclette et que tu finis en PLS à la deuxième tranche de fromage. Bref, pour une reprise en douceur, je préconise un petit comité pour une soirée toute posée, 5-6 personnes max, histoire de se raconter nos confinements respectifs et d'éventuellement préparer des plans pour ce qui restera de l'été. Croise les doigts. Pour accompagner ce petit tableau, moi je vous propose Vague, un titre du guitariste Florent Garcia. Il fait des vidéos axées sur la guitare sur YouTube, n'hésitez pas à aller y faire un tour, il a aussi des sons sur Spotify. J'avoue que pour le thème de la soirée de fou, j'ai pas mal hésité. Je vais peut-être d'ailleurs garder mon autre choix pour un prochain memento. Rien de tel pour moi pour illustrer une soirée de fou mémorable qu'un concert avec une énergie folle, des concerts qui nous manquent d'ailleurs en ce moment, une énergie folle tant sur scène que dans le public. Alors je vous propose un extrait du live de Wolfpack en 2019 au Madison Square Garden. Ça me paraît assez approprié pour illustrer la folie. Un funk jazzy alimenté dans les cœurs par la foule de New York sur ce titre Dean Town. Ah oui, et pour ceux qui veulent consommer local, il y a un live de Wolfpack à l'ancienne Belgique qui est disponible sur YouTube. Il est plutôt facile à trouver étant donné qu'il se trouve sur le podium des vidéos les plus vues de la chaîne de l'AB. Next stop, Dean Town. 2, 2, 0. We'll be right back. deviens taré. Ça fait un mois que j'ai pas eu de kebab. Ça va. Merde. Je vais me le faire, ce putain de shawarma. Putain, comment ils faisaient me dire dans Koh-Lanta. Ouais. Et voilà, salade tomate oignon. Sauce samouraï, chef. Je vais me faire un kebab. Oh ben, il me reste plus qu'à trouver un agneau maintenant. Alors pour moi, pour la soirée post-confinement avec 10 personnes, l'idéal, c'est un barbecue. Je parle pas du barbecue avec les merguez cramées, les brochettes pas cuites, les bières pas fraîches. Je parle plutôt du barbecue idéal, barbecue à l'américaine, avec des viandes qui cuisent plusieurs heures, des ribs, du porc effiloché, de la bonne viande, des bons légumes aussi, bien rôtis, bien grillés pour nos amis végétariens. Tout ça accompagné de bières bien fraîches, de pastis et de soleil, la belle vie quoi. Et donc pour accompagner ça, il fallait quelque chose d'un peu country, un peu folk, et je me suis tourné vers un classique du genre avec Johnny Cash, The Ring of Fire. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. Fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. Bonjour à tous, c'est Seb pour la chaîne Technologie. Alors aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une astuce pour que on puisse vous entendre un peu mieux lorsque vous parlez dans votre microphone. Pour la méga soirée, le bon gros festival, moi je partirai sur alors peut-être pas une tête d'affiche des festivals de cet été. Mais plutôt sur un gars qui était un peu dans la lumière, mais surtout était un homme de l'ombre, de succès de la scène rap belge, qui a produit euh, qui a produit des sons pour Damso, pour Hamza, aussi pour PLK en France, pour je pense à peu près toute la scène, tout le reste de la scène belge aussi, il a produit des sons. Je parle de Chrissy. Chrissy découvert il y a 3 ans sur les Color Show, qui ça a été une très belle surprise, une très belle découverte. Et pour la petite histoire, depuis 3 ans, depuis 4 ans en fait, il est sur l'enregistrement de son premier album. Premier album qui devait sortir au mois de juin, qu'il veut promouvoir cet été. Mais donc malheureusement c'est pas possible. Et donc je vous propose d'écouter le premier single issu de l'album Euphoria, qui sortira à une date inconnue du coup. Je vous propose de découvrir Sisyphe de Chrissy. Tout revient dans l'ordre, souvent. J'ai appris, je recommence et je fais de mon mieux. J'essaye. Tout revient dans l'ordre, souvent. Je me connais, je reconnais mes erreurs. C'est vrai. Tout revient dans l'ordre, souvent. J'ai appris, je recommence et je fais de mon mieux. J'essaye. Tout revient dans l'ordre, souvent. Je me connais. Non, je veux plus me confier après tant d'années. J'ai vu le temps passer, genre une perte de temps face aux gens qui ne comprennent pas que le silence vaut de l'or. Et ça se répète, j'ai tant de questions sans réponse qui m'attendent après la mort. Mais faut que je respecte mon destin et l'histoire, je suis le maître de mon sort. Yeah, mon cœur et ma tête discutent, c'est trop. Je voudrais en parler, mais j'ai pas les mots. Je ressors mon corps en dehors de l'eau. Mon cœur et ma tête discutent, c'est trop. Avec liquide que j'ai dans la poche. Si t'as pas compris la métaphore, m'appelle pas frère si tu fais pas partie de mes ch. Facile, je vais pas dire que je suis meilleur que toi, mais vas-y, viens faire un tour sur mon territoire. On sait tous la santé est importante, c'est pour ça que je vais pas voir l'un de vous perdre du poids. Et là, tu vois que des grimaces. J'ai le cœur serré, la force de 10 gars. J'attache ton corps sur un billard si tu veux connaître ma vie qui t'a l'air peinard. Je suis à mi-chemin entre bien et mal, le blanc et noir, bref, etc. Si tu te reconnais dans mon histoire, c'est que tu t'es déjà fait avoir par ton euphoria. Vous êtes toujours dans le Memento No Summer Hit sur Radio Panique. On rêve des retrouvailles avec les amis. Pour la suite, eh bien, vous allez justement entendre les rêves de Fanny, Gorentin et Maxime. Alors docteur, oui. Pour chaque type de maladie, il y a un vin approprié. Il y a un vin approprié. Là, par exemple, on a quelques exemples ici. Oui. Un vin doux. Alors un vin doux, c'est un vin qui sait qu'il vraiment a indiqué chez le convalescent pour essayer de remonter un peu leur état de fatigue et de faiblesse. Certains, c'est tonique. C'est un tonique. Alors moi, là, vraiment, en ce moment, le moment que j'attends avec impatience, c'est de retourner dans un parc avec des copains, de se caler au soleil, dans l'herbe, avec une bonne bière fraîche, et de se raconter des conneries, de se détendre. Et le tout, je trouve, serait parfaitement accompagné avec une musique de Minnie Riperton, et particulièrement celle qui s'appelle Les Fleurs. Ensuite, la deuxième chanson, là, ce sera vraiment pour le temps où on sera vraiment plus tranquille, plus insouciant. Et je m'imagine me balader en fin de soirée avec des potes et d'un seul coup entendre au loin, vous voyez, ce petit son-là qui donne envie d'aller faire la fête, qui donne envie d'aller danser. Et on entre dans un club et c'est le début, quoi. Et on sait qu'on va partir pour danser jusqu'au bout de la nuit. Et ça, j'ai hâte. Et du coup, cette musique d'entrée dans la fête, pour moi, c'est ce son. Ça s'appelle Bloodwalk et c'est de Cabaret Nocturne. Alors, dans un premier temps, moi, j'ai très envie de réinviter tous mes potes autour de ma grande table chez moi et de leur cuisiner un truc de dingue. Je ne sais pas encore ce que je vais leur préparer, mais j'ai une idée de ce qu'on va écouter. Ce sera « Oba la Vem Ella » de George Benjor. Que eu existo, quem eu sou. Pois eu sei muito bem quem ela é e fico contente só de ver ela passar. Oba, oba, lá vem ela. Estou de olho nela. Oba, lá vem ela. Estou de Chaque club c'est différent, mais à l'Asylum, c'est le patron. Il a à sa disposition une bande de lascars qui vend l'extase sacrée aux clubbers. Il se fait un max de thunes avec ce petit business. Ces lascars se font juste quelques thunes sur chaque pilule. Ils ont pour tâche de repérer les autres dealers dans les parages. Au cas où ils localisent un dealer illégal d'Exta dans leur site web, ils avertissent les videurs. Les videurs l'attrapent, chopent son stock et ils le mettent dehors manu militari. Ils refilent les Exta aux lascars qui vont les fourguer à tous les fêtards du club. Comment tu t'appelles? T'as pris quoi? Attrape les lasers. C'est trop sûr, putain. quand on sera libre de passer aux choses sérieuses, moi j'ai bien envie de sauter les festivals pour atterrir directement en case Technival ou Free Party. Un truc sale qui finit à 8h. Bah, il faut bien se rattraper. January Ira, le remix par G23, c'était le morceau de Corentin. Et bien en ce qui me concerne, la soirée parfaite entre potes serait une soirée passée dehors, à se balader dans les parcs la nuit, à profiter de l'espace qu'on a pour faire un peu n'importe quoi. J'imagine bien le moment où on approche tout doucement de la fin de la soirée, la folie est déjà passée, l'ivresse renaissant tout doucement, et on sait déjà en fait qu'on a passé une bonne soirée. C'est ce petit moment suspendu, un peu poétique, quand on voit que la lumière revient tout doucement dans le ciel et qu'on s'apprête à rentrer. Et pour aller avec tout ça, je mettrais bien 52 Hertz de Zyfa, Z-Y-F-A. C'est un groupe dont l'EP vient de sortir. Give me me a sign now, baby. Show me that you can hear me. I've been far too long now. Maybe you just don't like me. Dans le scénario où on pourrait se réunir à 100 000 sur une plaine sans se laver pendant 3 jours, j'aurais vraiment envie d'un gros concert qui tape, celui qui arrive pile poil à bon moment de la soirée quand on a assez d'énergie, potentiellement assez d'alcool dans le sang pour que tout le monde danse sans trop se poser de questions. Je sais pas pourquoi je pense à De La Jungle, Congo Natty et tous ses copains pour un UK All Stars bien énervé. Listen what I'm saying. The first part, the first line, when does start? Right round the world, you have the grime DJs, you have the garage DJs, you have the hip-hop artists, you have Beanie Man, the Bounty Killers, everybody jump on a style which was formulated here in England, London. Be proud of which part we come from. Make the world know so we have something where we can put it up to. England never did a 2000. So right now, I'm going to draw you right back to 1985, 84. And we're going to draw in the original Fast Tikes thing. Big up Tenafly, big up Top Cat, Sweetie Irie, big up Tipper Irie, Daddy Freddy, big up my brother like General Levy. All and pull it, me select, I say all and pull it. This a one is like a bullet. All and pull it, me select, I say all and pull it. This a one is like a bullet. All and pull it, me select, I say all and pull it. This a one is like a bullet. It's like a bullet killer. Deep in me lyrics, smoke under me pillar. Last year me sick, but I this year me killer. Now you give me we a winner, time me hell bigger. Bad master G, he said me no rock. If the ADD, why that spell daddy? If I need the D, why me say that? Well, if you is a Muslim, you feel bad for Allah. And if you is a Buddhist, you feel bad for Buddha. Well, if you is a Christian, Allah, hallelujah. And if you is a Rasta, you feel bad for Vic. When lyrics like this, me shut up, be a preacher. But right about and don't miss me turn a teacher. Come down, come down, I tell you a big selector. Well, London is getting hot, this is getting hotter. With a only a gun, never pass it forward. Shooting in a nigga, so it's a get regular. A police, them a little funny, from stealer. Them a come from the yard, it's pretty mafia. Yeah. You can can't stress. I will tell him again, a worldwide UK artist. Worldwide, who tell him? Come now, and I'm gonna put the bass to the ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding down, ding poulet. À la poulet, mes sélectas, à la poulet. C'est moi les mecs à poulet. À la poulet, mes sélectas, à la poulet. C'est moi les mecs à poulet. We are pioneers. Yes, Miss Irie has been made that clear. Talk of the truth, you know me sincere. I'm 90 long time, me a steer me career. And people say, from the Saxon days, we still a create the latest craze. Well, if I hip hop and grind me out them, well, enough of them still a feel we style them. Yes, you know where they are for the revolution. Miss Irie, they are for the full furlong. Anytime you sight up the whole school crew, but no one be shout out. Respect you, I'm not true. Ça met mes matchs dans Babylon. Alors, comment ça va les confinos? Moi, ça va plutôt bien, je dois l'avouer. Ça commence à faire long, c'est vrai, mais on sent que c'est la fin et qu'on va bientôt kiffer tous ensemble. Et si je devais choisir une chanson pour être dans une soirée avec 10 personnes, eh ben, j'ai exactement ce qu'il vous faut. J'ai Conga de Gloria Estefan. Elle est parfaite pour bouger les fesses, remuer, danser, kiffer l'instant. Et donc, je nous vois vraiment dans un petit appart bruxellois avec un petit ginto ou pourquoi pas un Jager Bomb à la main. Et cette soirée, bah, clairement, je la passerai avec vous, la Memento Family. Et j'ai vraiment hâte qu'on se retrouve et qu'on danse sur cette chanson. Shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. Bougez-vous le cul. Bougez-vous le cul. Come on, shake your body, baby, do the conga. No, you can't control yourself any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't you fight it till you try. That's gonna be devenu compliqué de faire du sport correctement. Ça fait un mois que je vais plus pousser à la salle et je suis en pleine perte de masse, tu comprends? Jean-Louis! Mais qu'est-ce qu'il y a? T'es sorti sans attestation! J'ai besoin de protéines, mais les cocottes, elles font plus de 9. C'est mon métabolisme! J'ai les veines qui dégonflent et ça m'angoisse! Mais tu n'es pas le seul! Est-ce que tu penses à Olivier Mine? Mais bordel, Olivier peut s'entraîner tout le temps! Toutes les salles sont dispo à Fort Boyard. Non mais tu crois qu'il habite à Fort Boyard? Et avec le père Fouras, ils font des lancers de nains aussi? Ouvre les yeux, Jean-Louis. T'es trop con. C'est pas faux. Et c'est toujours trouver les mots, bébé. Allons faire du sport en chambre. Bon, ok, là, vous êtes absolument pas prêts pour ce qui arrive, puisque si je devais partir là dans un live de plus de 100 personnes, 1000 personnes, j'irais dans une grosse rêve des années 90, et j'irais écouter de la l'Eurodance, et j'ai choisi L'amour toujours de Gigi D'Agostino, et pouah, cette chanson, elle est juste incroyable, elle donne juste envie de faire la fête, etc., jusqu'au bout de la nuit. Donc, ouais, genre 1000 personnes qui dansent sur L'amour toujours de Gigi D'Agostino. Pff, c'est le premier truc que je fais après le confinement. Le Memento saison 5, épisode 8, c'est terminé. Merci de nous avoir écoutés. Continuez à bien prendre soin de vous. Bientôt, on pourra tous se retrouver et profiter d'être ensemble, comme je pense on l'a rarement fait. Toute l'équipe du Memento vous envoie de l'amour. Et puis, on se dit à bientôt sur Radio Panique. Alors, je vous fais l'ordonnance. Voyez-vous, je vous conseille pour le foie votre Bourgogne de verre à jeun. Pour les reins, le muscadet ou un vin d'Alsace, 3 verres par jour au cours de la journée. Et vous faites une feuille de sécurité sociale? Ben oui, malheureusement, ce n'est pas encore remboursé.